Voilà, c'est l'intempestive. Donc on est avec Marc Bernardo, sociologue, professeur de sociologie à l'université du Havre, qui a participé au livre collectif Le Retour des camps, qui est paru récemment en 2007 aux éditions Autrement, et qui a étudié les différentes formes de logement contraint. Donc peut-être tu nous expliqueras en introduction un peu ce que tu entends par logement contraint. Et on va faire ensuite avec toi une histoire de l'enfermement des étrangers en France au XXe siècle. Peut-être pour commencer, tu pourrais nous dire, à partir des différentes études que tu as faites, qu'est-ce que c'est un camp, quoi? À partir de quoi tu as étudié cette forme camp? Alors, d'abord, pour répondre à la première question sur cette notion de logement contraint, c'est une formule que j'ai forgée il y a 2 ans environ pour essayer de rendre compte d'un territoire sur lequel je me déplaçais depuis maintenant plusieurs années, dont les contours étaient changeants et pour lequel je n'avais pas de label préétabli, et qui étaient des formes d'habitat, des formes résidentielles dans lesquelles les occupants, les habitants, les usagers n'avaient pas la pleine jouissance de la liberté d'aller et venir. Toutes sortes de formes d'habitat dans lesquelles l'administration ou l'entreprise ou les circonstances font que les habitants ne décident pas véritablement de s'établir ici ou là, ne peuvent pas agir sur les contours de cet habitat. Ce qui différencie par exemple cette notion de logement contraint du bidonville, ou de ce qu'on appelle l'habitat autoconstruit, parce que justement, les habitants contribuent à construire leur mode de vie, même s'il est précaire ou extrêmement difficile. Ce mode de vie correspond à des représentations, des visions du monde, des structures familiales, des pratiques économiques ou politiques. Dans le logement contraint, les formes sur lesquelles j'ai pu travailler, la population ne peut pas agir sur son mode d'habiter. Ce mode d'habiter est prescrit, contraint, par les autorités économiques, politiques, essentiellement policières la plupart du temps. Alors, comment j'en suis venu à travailler sur les camps? Intellectuellement, personnellement, j'avais été très, très marqué, très influencé par l'histoire de la destruction des Juifs d'Europe, en lisant beaucoup d'ouvrages sur la question, et puis, de manière plus rapide, en m'intéressant à l'histoire du goulag par la littérature soviétique essentiellement. En travaillant sur les questions de logement des étrangers, logement des immigrés, comme on les appelait, en faisant cette sociologie historique de cette entreprise de logement de travailleurs étrangers, j'ai soulevé dans des vieux fonds d'archives des paquets de documents qui montraient que, à côté des foyers, avant, pendant, quelquefois après, il y avait des formes de logement plus collectives encore, plus difficiles encore que la vie dans les foyers, qui étaient de la vie dans des villages de travail, de la vie dans des formes de casernes, de regroupements fortuits de populations, dans lesquels l'armée, les entrepreneurs, des gouvernements étrangers par exemple, concentrer des populations essentiellement coloniales, hein, des Chinois, des Africains, des Arabes, des populations diverses, pour les contrôler, empêcher leur déplacement libre, les forcer à travailler, ou, quand c'était des soldats indigènes, par exemple, pour le Commonwealth ou pour l'armée coloniale française, pour les empêcher d'avoir des contacts libres avec les autres militaires européens et la population environnante. Donc, je suis tombé sur un cas, puis un deuxième, et puis ça a fait série, ça a commencé à faire sens pour moi. J'ai réussi au début des années 2000, en 2000-2001, à obtenir l'ouverture dérogatoire d'archives classifiées du ministère de l'Intérieur sur l'internement des Algériens pendant la guerre d'Algérie. Alors, on connaissait, notamment les sociologues qui avaient lu Bourdieu, le jeune Bourdieu, comme on dit, le jeune Marx. Le jeune Bourdieu avait écrit un texte avec Abdelmalek Sayad, qui est resté très célèbre, qui est très très beau, hein, qui est peut-être un des textes les plus beaux, enfin, de mon point de vue, de Bourdieu et de Sayad, qui s'appelle Le Déracinement, et qui rend compte de la manière dont on a déplacé, l'armée française et les autorités civiles françaises ont déplacé les populations agricoles, rurales des régions algériennes pour pouvoir bombarder les sites de l'armée de libération nationale et à placer ces populations rurales dans des villages de regroupement, des camps, qui ont bouleversé en profondeur la situation socio-démographique algérienne et dont l'Algérie paye encore probablement les conséquences plus de 40 ans plus tard. On connaissait ça, mais on connaissait beaucoup moins les camps d'assignation aux résidences surveillées, c'est leur nom exact, les camps d'internement administratifs, qui avaient permis à la police française, à partir de 1957, d'arrêter dans des rafles plusieurs dizaines de milliers d'Algériens à l'occasion de surveillance des quartiers comme Barbès, où on se trouve aujourd'hui, à l'occasion de manifestations, à l'occasion de traques de ces Algériens suspects collectivement d'apporter leur soutien en métropole au FLN, hein, dans le cadre de cette guerre coloniale qui était la guerre d'Algérie, de les arrêter arbitrairement, hein, sans simplement sur une présomption de culpabilité d'appartenance au FLN, de soutien au FLN, au FLN, à l'ALN, au MNA, enfin tous les partis qui composaient les groupes indépendantistes algériens, et de les placer en internement administratif dans des camps, très peu, 4 en France, 4 ou 5 en France, avec des soutiens logistiques dans certaines prisons particulières. Et j'ai pu travailler pour la première fois sur ces sources pendant plusieurs années. C'est assez compliqué parce qu'il faut aller à Fontainebleau, on est surveillé pendant qu'on regarde ces archives. Mais petit à petit, avec un gros travail de contextualisation pour comprendre de quoi il s'agissait, j'ai pu reconstituer une sorte de sociologie de ces camps d'internement pour voir comment ça fonctionnait, comment on fait pour faire vivre ensemble près de 3000 internés algériens sur le plateau du Larzac, dans l'Aveyron, avec 1000 gardes et surveillants et personnels qui font fonctionner tout ça, dans une sorte de village énorme de 4 ou 5 000 habitants, consommant plus à lui seul que tous les petits villages du plateau du Larzac à l'époque. J'ai pu ensuite travailler sur d'autres moments clés de l'internement. J'ai commencé à travailler sur la période de l'épuration. Dans les faits, j'ai pu étudier ces camps d'épuration qui, après avoir ciblé quelques gros collaborateurs, essentiellement des gens qui faisaient du marché noir, se sont mis à accueillir toute une série de populations de déshérités, de paumés circulant sur les théâtres d'opération, arrêtés par des groupes variés, les troupes militaires américaines, la police française, mais aussi des groupes FFI, la population, etc. Et on plaçait ces populations arrêtées, essentiellement des étrangers, pas seulement, mais essentiellement des étrangers, beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants, de nationalités très variées, qui se retrouvaient un peu pris au piège des combats et du processus de libération du territoire français, et qu'on plaçait dans des camps. J'ai pu étudier ces camps, et j'ai vu qu'il y avait une continuité évidente. Les mêmes structures étaient mises en place, les mêmes textes étaient utilisés, les mêmes textes administratifs et réglementaires qui avaient organisé les camps d'internement pour les juifs français étrangers, par exemple pendant la Seconde Guerre mondiale, étaient réutilisés à des fins différentes, dans un contexte différent, mais par les mêmes personnels, quelquefois dans les mêmes endroits, au moment de la libération, puis au moment de la guerre d'Algérie, etc., etc. Et puis en remontant dans le temps, on s'apercevait que la plupart de ces camps d'internement de la période de la collaboration avaient été mis en place. C'était connu depuis le début des années 90, c'est pas une très vieille connaissance en France, hein, cette histoire-là. Des gens comme Greenberg, comme Péchanski plus récemment, avaient mis en évidence que la Troisième République avait mis en place un réseau de camps très structuré, très complexe, pour mettre à l'écart, de manière plus ou moins dure, des juifs étrangers, allemands, autrichiens essentiellement, du Bade-Württemberg, des juifs de Sarre qui fuyaient à partir de 1933 l'arrivée au pouvoir des nazis. Mais on retrouvait aussi dans ces camps des Espagnols de la Retirada, toute une série de populations diverses. Et en remontant, on s'apercevait que dans certains de ces endroits, on a vu passer des Indochinois, travailleurs requis, travailleurs forcés, qui avaient été déportés depuis la Cochinchine, le Tonkin, etc., pour venir travailler en France. On trouvait aussi des Arméniens, des Russes, des Assyro-Chaldéens, et puis énormément de populations issues, un peu comme ces Indochinois, du monde colonial. La forme majeure de logement des populations coloniales, essentiellement des hommes, essentiellement des ouvriers ou des soldats venus à partir de 1914. La forme principale de logement de ces populations, c'est le camp. Les autorités civiles, militaires, économiques, considèrent que la meilleure manière d'utiliser à plein ces populations pour se battre ou pour travailler à l'arrière, sans avoir les risques inhérents à ce type de population, de leur point de vue, les risques sanitaires, les risques politiques, les risques en matière de mœurs, qui sont d'une certaine manière les mêmes risques que l'on concevait à propos des ouvriers au XIXe siècle ou à la fin du XVIIIe, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que ces populations sans culture, sans savoir, sans savoir-être, sans capital, qui sont mobiles, qui sont des hommes qu'on ne contrôle pas et qui sont une menace pour la famille, pour l'ordre, la propriété, etc. etc. De la même manière qu'on avait cherché à contenir ces ouvriers, à les contrôler de mille et une façons, on a adopté le camp comme étant la manière absolument parfaite, quasiment parfaite, de contrôler ces populations, de limiter leurs déplacements sur le territoire, ou plutôt de leur affecter des circuits de déplacement spécifiques. Des Kabyles au Creuse-Loire en 1916, des Sénégalais dans des compagnies militaires spécifiques, des Goumiers, des Tirailleurs, toute une série de populations qui vont être déplacées plus ou moins de force des colonies vers la métropole et à qui on va appliquer un mode de gestion martial, le camp militaire, adapté à cette logique. J'ai trouvé ça pour les militaires à partir de 1914-1916. J'ai trouvé ça aussi pour les institutions économiques centrales, Schneider au Creusot, dont je parlais tout à l'heure, mais des grandes institutions historiques du complexe militaro-industriel français comme la Société nationale des poudres et explosifs ont eu recours énormément à ce type de population, toujours sur le mode de la prise en charge martiale, dans des casernes, des poudreries, des poudrières, ça dépend... on les appelle de manière, des anciens locaux industriels reconvertis pour loger ces populations, pris en charge collectivement, encadrés par des spécialistes, on va dire, des techniciens de ce genre de questions, parce qu'ayant une expérience des colonies, parce qu'ayant une expérience des camps, à qui on va confier la gestion collective de ces populations en limitant leurs déplacements, en limitant leurs droits, en interdisant toute action politique, en contrôlant la vie sexuelle de ces individus, en ayant des facilités pour retenir des parties plus ou moins importantes de leur salaire, en organisant leur rapatriement lorsque leur utilité sociale ou économique ou les risques politiques qu'ils faisaient peser sur l'ordre public étaient tels, on pouvait organiser leur rapatriement, toujours de manière très complexe. C'est vrai pour les Africains, c'est vrai pour les Kabyles à plusieurs reprises, c'est vrai aussi pour les Indochinois. En 1948, il y a à Marseille plusieurs émeutes dans des camps de travail qui sont en plein centre-ville, qui sont à l'endroit où la prison des Baumettes est installée actuellement, et sinon du côté de la Porte d'Aix, où il y a des camps d'Indochinois avec plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de Tonkinois, de Cochins chinois qui vivent là, et qui sont une menace politique très importante, parce qu'on est en pleine guerre qui ne dit pas son nom en Indochine, et la France fait la guerre au Viet Minh là-bas, et on se retrouve avec plusieurs milliers de travailleurs déplacés dans les années 38, qui font peser une menace. La meilleure solution dans ces moments-là, c'est d'organiser leur rapatriement. C'est très compliqué, il faut trouver des bateaux, la même procédure complexe que l'expulsion du territoire actuel. Toujours sur FPP, dans l'intempestive, on poursuit l'entretien avec Marc Bernardo sur l'enfermement des étrangers. Tu parles de, si on remonte un petit peu en amont du XXe siècle, deux formes de genèse différentes de ces camps d'immigrés au XXe. La manière dont l'État tentait de contrôler les ouvriers d'une part, ou tous indésirables à travers des carnets, etc. Et puis d'autre part, la mise en place dans les colonies, par exemple en Algérie, de pénitenciers indigènes. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus précisément de ces deux manières au XIXe siècle déjà d'amorcer cette forme de contrôle de la population, d'une certaine catégorie de la population? L'histoire des casernes ouvrières est assez bien connue. Le modèle de la caserne, a été le premier modèle disponible lorsque les populations rurales ont commencé à se déplacer vers les lieux de production et à se concentrer dans les lieux de production. Parce que la caserne, c'était le moyen le plus efficace d'organiser, de contrôler, etc. Et la caserne est un modèle, une sorte de matrice de l'usine manufacturière qui va être organisée sur des principes pas seulement militaires, parce qu'il y a aussi une influence cénobitique, c'est-à-dire des monastères, dans les représentations des architectes, dans les représentations des aménageurs, des grands industriels, des maîtres de forge. Ces deux influences sont très importantes, l'influence religieuse du monastère et l'influence militaire de la caserne. Mais les problèmes que ça génère, notamment pour l'intégration des ouvriers dans la nation, sont supérieurs aux avantages que procure le cadre pur et parfait de la caserne. Donc progressivement, c'est abandonné. Le modèle de la caserne devient une matrice très lointaine qui n'est pas applicable concrètement au jour le jour. En revanche, ce modèle de la caserne va être dominant pour contrôler à la fois les populations et l'espace dans les territoires coloniaux. C'est une manière de contrôler l'espace. Dans les premiers comptoirs coloniaux, on va construire un fort, on va construire une caserne, une prison. Hein, c'est souvent une identité de lieu d'ailleurs. Hein, la caserne, le fort et la prison construisent le premier espace contrôlé par les Européens. Et progressivement, ce modèle du camp en colonie va être généralisé parce que l'esclavage. Parce que lorsque l'esclavage est abandonné ou interdit, on passe à des modèles de travail forcé, de travail encadré, c'est beaucoup d'euphémisme pour limiter la dénonciation de ce mode d'organisation. Et là encore, les techniques de regroupement, les techniques de gestion de populations qui ont été coupées de leur territoire de départ, qui ont été déplacées et qui sont un peu pris au piège de ce déplacement, et le camp est une manière à la fois de les contrôler et de les maintenir en vie pendant une durée minimum. Et c'est une des sources, une des références, à mon sens, du modèle du camp contemporain. C'est pas la seule. C'est vrai que le territoire des colonies est le grand laboratoire, non seulement de ces formes-là, mais de ce qu'on pourrait appeler la guerre moderne, la guerre faite aux civils. Hein. Elle s'invente en partie, pas seulement, mais en partie dans le monde colonial. La violence qui connaît une forme de limitation dans le monde occidental, un processus que Norbert Elias a appelé la pacification de l'espace public, connaît simultanément, et c'est ça qui le rend difficile à comprendre, un accroissement considérable à l'occasion de la seconde colonisation, hein, cette seconde grande phase de colonisation qui a lieu au cours du 19e siècle. Et le camp est une manière de faire la guerre aux civils, une manière de transposer les règles d'encadrement faites aux militaires et aux soldats, mais à des populations civiles. Et alors ça peut être des populations civiles dans les colonies, mais la situation de guerre politique en Europe, je pense à la Commune, préfigure ce qu'on peut réserver comme traitement aux civils quand l'armée ou des systèmes martiaux sont appliqués aux populations. Mais c'est surtout le phénomène des réfugiés à partir de la Première Guerre mondiale, de 14-18, qui va fournir le cadre de la transposition de ce savoir-faire militaire depuis la gestion de la guerre au jour le jour à la gestion de la paix. C'est-à-dire que l'essentiel des réfugiés qui vont arriver en France au XXe siècle vont arriver pendant des périodes de paix. D'accord. Mais justement, si on est en 1914, tu expliques dans cet article, dans Le Retour des camps, que de 1914 à la fin des années 30, il y a vraiment l'apparition, enfin la combinaison en fait des différentes formes de contrôle des populations qui permet de structurer cette sorte de forme camp qui commence à naître, où effectivement les gens vont être enfermés sans procès pour une période indéterminée. Tu dis également que ça se fait en même temps que la structuration et le renforcement du ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'on pourrait parler justement de comment l'État, en fait, lui, formalise cette notion de camp, qui gère les camps, comment ça se structure, en fait, à ce moment-là? Chacun des grands pays européens qui a recours à l'internement administratif ou à des techniques de gestion de masse des populations dans les colonies possède une histoire nationale, une histoire institutionnelle spécifique qui produit une configuration à un moment donné qui fait que ce sera plutôt ici le ministère de la Justice, plutôt là tel ministère de la Guerre, et en France, pour des raisons historiques particulières, c'est plutôt le ministère de l'Intérieur qui va, à partir de 1914, mais on sait que les discussions avec le ministère de la Guerre ont lieu dès le milieu du 19e siècle pour anticiper des crises militaires et réfléchir à la possibilité d'arracher les populations civiles au théâtre d'opérations éventuelles. Et le ministère de la Guerre et de l'Intérieur discute dès 1850-1860 sur la possibilité d'enlever les civils, à la fois pour qu'il y ait moins de victimes des théâtres d'opérations, mais aussi parce que les civils sont perçus comme une menace potentielle, une menace pour la sécurité extérieure de l'État, parce que n'ayant pas de savoir militaire, n'ayant pas de contrôle sur ces populations, l'armée ne veut pas avoir de civils dans le théâtre d'opération, parce qu'elle risque de les tuer, mais parce que ces informations risquent de circuler. C'est pour ça qu'on a très peur pendant les périodes de guerre des populations de nomades, par exemple, hein, qu'on va traquer en 1914-1918, qu'on va traquer en 1939-1945, parce que ces populations sont perçues comme des suspects de trahison potentielle, parce qu'ils peuvent voir des mouvements de troupes et aller apporter l'information un peu plus loin. Mais à partir de 1914, concrètement, le ministère de l'Intérieur peut prendre en charge cette dimension de l'internement et de la mise à l'écart des civils, qui a toute une série d'avantages pour le ministère de l'Intérieur. À partir de la déclaration de guerre de 1914, les civils qui sont ressortissants de pays en guerre avec la France, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, l'Empire ottoman, etc., sont considérés comme des civils ennemis. Ils ont 24 heures pour quitter le territoire, et si au bout de 24 heures ils n'ont pas quitté le territoire national, ils sont considérés comme étant des civils de pays belligérants, ils sont susceptibles d'être arrêtés et d'être internés. L'armée va très vite s'apercevoir qu'elle n'a aucun intérêt à gérer ces espaces, elle a un intérêt tactique, il ne faut pas que ces civils se transforment en cinquième colonne, en espion ou en menace d'attentat ou je ne sais quoi. Il ne faut pas non plus que ces civils puissent retourner dans leur pays pour apporter des bras ou de la chair à canon aux adversaires, et donc on va les sortir du territoire, on va les arrêter, les sortir du territoire, qui plus est, dans ces premières semaines du conflit, les Allemands et les Autrichiens sont très maltraités par la population française, hein. Les autorités ont peur qu'elles soient lynchées, quand on déplace ces populations avec les gendarmes ou la police, les riverains jettent des pierres, essayent de lyncher les individus qui sont dans les colonnes, donc il y a une sorte de xénophobie anti-allemande qui est très importante. Tu parles justement de cette ambiguïté dans les camps de cette époque entre la protection des civils, ouais. Ou bien la protection du danger qu'ils représentent eux-mêmes, quoi. C'est l'ambiguïté du biopouvoir dont parle Foucault, c'est-à-dire qu'il faut faire la guerre à ses propres civils à la fois pour s'en protéger et aussi pour les protéger. C'est toute la difficulté de ce nouveau état de police, comme on l'appelle au XVIIIe siècle. C'est la même chose en 1914, c'est la même chose même en 1944, dans ces camps de l'épuration dont je parlais. Ces camps d'épuration sont, d'une certaine manière, des camps démocratiques. C'est Emmanuel Dastier, qui fait fonction de ministre de l'Intérieur à Alger, qui installe l'organisation de ces camps. Le but est vraiment de protéger ces collaborateurs, supposés, parce qu'on ne les a pas jugés, c'est sur des dénonciations, sur des plaintes, sur des rumeurs. On va sortir ces individus parce que la population s'en prend à elle et on a peur d'une épuration sauvage. Donc il y a toujours l'idée qu'on va protéger ces individus de la colère populaire et en même temps qu'on va ainsi les neutraliser d'une certaine manière. L'idée du camp, l'idée de l'internement, qui est une procédure non judiciaire de privation de liberté, qui est une procédure très différente de la procédure judiciaire de privation de liberté, parce qu'elle n'est pas individuelle, parce qu'elle est la plupart du temps collective, parce qu'elle est administrative alors que l'autre est judiciaire, parce qu'elle n'est pas limitée en durée. On ne sait pas, quand on rentre en rétention, pour combien de temps. Ça peut durer quelques jours, quelques mois, voire quelques années, sans que cette durée soit qualifiée comme dans un jugement pénal quelconque. Une des ambiguïtés de cette politique, c'est que c'est à la fois une manière de neutraliser des ennemis potentiels, des menaces qui ne sont pas individuelles, qui sont plutôt collectives. C'est la population ainsi désignée, ainsi essentialisée comme groupe, les Alsaciens, les nomades, les Africains, les Indochinois, etc., qui sont une menace. Ce n'est pas Monsieur Van Loo à tel moment, à tel endroit, qui est accusé d'un crime quelconque ou d'un délit quelconque. C'est le groupe dans lequel il est fondu qui est considéré comme une menace collective. On va à la fois la neutraliser en l'internant et l'internement lui-même, exposant la vie de ces individus à des conditions de vie précaires et difficiles, génère une nécessité dans un État démocratique, dans un État de droit plus que démocratique, de veiller à ce que ces gens soient nourris, soient correctement vêtus, pour qu'ils ne meurent pas de faim, qu'ils ne meurent pas de soif, qu'ils ne soient pas malades ou pas trop malades, s'ils sont malades, qu'ils soient soignés, s'il y a des enfants, qu'ils soient encadrés, etc. etc. Donc il y a cette ambiguïté qui est très intéressante, presque philosophiquement, qui est à la fois une manière de neutraliser et une manière de protéger. Pas très loin d'ailleurs de la manière dont on envisage la pauvreté. La pauvreté est combattue à la fois parce qu'elle est une menace pour le mode de vie collectif, mais les pauvres sont aussi à protéger contre eux-mêmes. On va retirer les enfants d'une famille parce qu'on considère que cette famille ne peut pas lui apporter l'éducation ou la protection nécessaire. Et donc c'est la collectivité qui se substitue à la famille pour protéger les pauvres contre eux-mêmes. Et d'une certaine manière, dans l'internement, la même logique est à l'œuvre. Le ministère de l'Intérieur trouve là manière à obtenir de nouveaux territoires, à apprendre à ses propres personnels la gestion du territoire, à contrôler des populations qu'il ne contrôlait pas habituellement, à obtenir de nouveaux crédits, à bénéficier de nouvelles opportunités, parce qu'elle va rendre des services à l'armée, elle va être en lien direct avec la présidence du conseil, par exemple, elle va être avoir la haute main sur la gestion de ces populations. Alors ça génère toute une série de difficultés techniques, logistiques, pratiques, etc. Mais c'est une opportunité institutionnelle sans précédent pour un ministère, le ministère de l'Intérieur, qui est ce qu'on pourrait appeler, à la fin du 19e siècle, un ministère sans territoire. C'est un ministère qui est obligé de passer par les contrôles institutionnels d'autres institutions pour accéder au territoire. Ça rencontre des intérêts qui ne sont pas que ceux du ministère de l'Intérieur. Toute une série d'institutions sont ravies de voir l'Intérieur se charger de ce genre de difficultés. C'est une des forces de l'Intérieur. Mon hypothèse est que le ministère de l'Intérieur va commencer à avoir non seulement de l'intérêt, mais aussi les moyens de sa politique pour gérer de plus en plus d'aspects de la politique d'immigration. Puis, dans les années 50, de la politique de logement. Et puis, depuis les années 80, la politique de l'asile. C'est une manière de contrôler de plus en plus d'organismes, de directions centrales, d'avoir de plus en plus de budget, d'avoir de plus en plus de poids institutionnel, en ayant aussi la possibilité de produire un discours de la menace étrangère, discours de la menace immigrée, discours de la menace du faux demandeur d'asile, du mauvais étranger, qui est une menace pour la sécurité, parce que c'est un criminel potentiel, une menace pour la sécurité extérieure et intérieure de l'État, parce que c'est un terroriste potentiel, d'une menace sanitaire aussi, parce que l'Arménien dans les années 20 est présenté comme un pouilleux, l'Arabe des années 20 aussi est présenté comme quelqu'un qui a des mœurs incertaines et qui a un mode de vie qui ne lui permet pas d'accéder aux standards de salubrité et d'hygiène de la population française. Et donc, par cercle concentrique, en l'occasion faisant larron, le ministère de l'Intérieur va capter tel ou tel savoir-faire, tel ou tel réseau de contrôle, en utilisant par exemple les liens avec les entreprises, en travaillant avec le ministère du Travail, puis en captant les territoires du ministère du Travail sur le contrôle de telle ou telle population. Et ça crée des choses qui sont irremplaçables pour le ministère de l'Intérieur. Ça crée la possibilité d'apprendre le contrôle des populations. Hein, pour contrôler une ville, par exemple, un camp est un très bon laboratoire. Pour les guerres psychologiques et les guerres anticoloniales, c'est très intéressant aussi, parce que c'est une manière qu'on va exporter d'ailleurs. La France est un exportateur de savoir en la matière. Les Américains se sont beaucoup inspirés de ça. Les camps Delta, X, etc. de Guantanamo ressemblent beaucoup à ce camp de Larzac dont je parlais tout à l'heure, parce qu'on peut y mener ces guerres psychologiques. Et petit à petit, le ministère de l'Intérieur va créer des savoir-faire, va pouvoir les transmettre. On va retrouver des commissaires, puis des commissaires divisionnaires qui sont réputés comme étant de fins gestionnaires de ces espaces-là, qui ont un savoir-faire logistique, un savoir-faire relationnel, parce que quand on gère un camp, il faut gérer les relations avec les riverains, avec les municipalités, avec le ministère de la Justice, avec les toute préfets. Une série, avec les préfets locaux, etc. Et ça, ça n'a pas d'équivalent, c'est une possibilité de faire un petit laboratoire de la police, voilà. On va trouver aussi des travailleurs sociaux, personnels médicaux et sanitaires. Beaucoup des personnels que j'ai rencontrés dans ces camps, dans les archives, hein, pas dans les camps stricto sensu, mais dans les archives, les personnels médicaux sont des gens qui ont de l'expérience des médecines, de la médecine tropicale, des maladies tropicales, qui ont fait des séjours dans les colonies, qui sont ensuite rapatriés et qui réutilisent leur savoir-faire dans ces contextes-là, qui sont perçus comme étant compétents pour gérer ces populations, ce qui est toujours un peu ambigu. On retrouve toute une série de savoir-faire sociaux et culturels, parce qu'il faut bien occuper ces gens-là quand ils sont parqués, parce que les gestionnaires craignent énormément l'oisiveté, hein, qui est une oisiveté forcée, surtout à partir du moment où on arrête d'avoir recours au travail forcé. Pendant très longtemps, la mise en camp est couplée à une forme de punition, rétribution par le travail. Le travail va être une manière de punir ces individus qui représentent une menace ou qui sont perçus comme ayant abusé de l'hospitalité nationale. Et en même temps, ils sont un coût, un fardeau pour l'économie nationale, et le travail forcé est une manière de les faire contribuer de force au remboursement des frais qu'ils ont causés. Et quelquefois, on leur fait même construire le camp dans lequel ils vont s'installer. Et ça bénéficie beaucoup aux riverains. En général, les agriculteurs locaux, les entrepreneurs de travaux publics, etc., ils trouvent matière à employer une main-d'œuvre corvéable à merci, qui n'est pas payée, ou en nature, ou mal, dont on ne paye pas les cotisations. Le cas du centre d'accueil des Français d'Indochine de Sainte-Livrade étant emblématique en la matière. Les veuves et les jeunes femmes divorcées de ce camp qui venait du Vietnam, qui étaient des Françaises, ont été employées jusqu'à la corne par les maraîchers. Elles ont fait la fortune de ces agriculteurs. Il y a toujours cette idée du travail forcé jusque dans les années 50, et ensuite le travail forcé disparaît. Et c'est une logique qui ne tient pas simplement au camp. Le travail forcé devient beaucoup plus lié à l'image des camps de concentration nazis. Ça devient impossible de faire travailler de force de manière visible, hein, parce qu'on sait par contre que la situation de travailleurs clandestins s'apparente d'une certaine manière à du travail forcé, dans la mesure où on ne peut pas rompre son contrat comme on veut, on ne peut pas travailler dans des conditions de sécurité, il n'y a pas de contrôle du tout, de droit du travail, d'encadrement collectif, de convention. Il est évident qu'il y a aussi des savoir-faire industriels, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, une des grandes filières d'arrivée de ces populations coloniales, hein, c'est deux populations, les réfugiés et les populations coloniales, mais pour ce qui est des populations coloniales, une des grandes filières, c'est le travail industriel. J'ai parlé de la société des poudres explosives tout à l'heure, mais j'ai évoqué aussi le Creusot, mais on trouve des formes de casernement chez Michelin, à Clermont, dans toute une série de constructeurs automobiles, dans toute une série de grandes entreprises de BTP, qui ont recours à ces populations, mais qui ne veulent pas, d'une part, avoir à appliquer les mêmes règles que pour les travailleurs français ou d'autres origines. C'est-à-dire qu'on va sur la même logique, une logique très coloniale, très colonialiste, très paternaliste, considérer que ces populations ne sont pas à même de circuler librement dans le territoire, de vivre et de choisir librement un habitat, de se déplacer comme elles le veulent entre l'habitat et le lieu de travail. Et elles n'ont pas besoin de formation, et donc on va les embaucher comme OS et ils mourront comme OS. Ils seront encadrés par des équipes spécifiques, c'est le cas chez Renault, Laure Pitti l'a bien montré dans ses travaux. Chez Renault, pendant très longtemps, on embauche des Algériens, même quand ils sont instituteurs et qu'ils ont fait l'école normale, ils sont embauchés comme OS, et 10 ans après, ils sont toujours OS, et 20 ans après, ils sont toujours OS, parce qu'un Algérien, c'est un OS, point. Et on va les accuser d'être pas suffisamment performants et pas suffisamment productifs, alors que c'est grâce à eux que Renault a pu faire des marges de bénéficiaires pendant des années. Bref, là, dans le cas des Algériens, on n'est pas dans le cas de l'internement stricto sensu dans tous les cas, on est dans le cas du casernement. Donc on n'est plus exactement dans cette forme administrative, cette bizarrerie de la souveraineté de l'État qui permet d'arrêter de manière anticipée un individu ou un groupe. On est plutôt dans des formes de camps qui sont apparentés à l'internement administratif, qui sont gérés par des militaires à la retraite, qui sont gérés sur les mêmes principes, avec des règlements intérieurs extrêmement brutaux, sévères, une absence de droit, aucun titre de résidence, donc une difficulté et même une impossibilité de rendre compte de l'ancienneté de son séjour. Dans les circonstances actuelles, c'est très important, l'ancienneté du séjour, mais ça l'a toujours été. Ces modes de logement et ces modes de gestion arbitraire ont un avantage, c'est qu'ils renvoient en permanence ces populations à leur statut d'étranger primo-arrivant, qui vient d'arriver. Et donc, même si vous êtes là depuis des années, des décennies quelquefois, et c'est vrai aussi pour les foyers de travailleurs, ils ont tendance à renforcer l'idée que ces populations viennent juste d'arriver et donc sont débiteurs de la solidarité nationale, alors que d'un certain point de vue, ils sont plutôt créanciers de la solidarité nationale. On est là dans quelque chose qui est une manière de rendre invisible l'étranger, et d'ailleurs c'est pas simplement un étranger, c'est quelqu'un qui est perçu comme tel, peu importe sa nationalité effective. L'État considère à un moment donné qu'ils sont des menaces, que leur lien à la société est sujet à caution, et on va remettre en question cette relation, on va les considérer comme des étrangers purement et simplement, et le camp est une manière de les sortir du territoire. Dans l'intempestif, sur Fréquence Paris Pluriel, on continue l'entretien avec Marc Bernardo sur l'évolution de l'enfermement des étrangers en France au XXe siècle. À partir de la fin des années 30, donc, il y a une sorte de professionnalisation qui se met en place dans la gestion de ces camps. On arrive dans la période de Vichy et les lieux qui n'étaient pas des lieux construits pour être des camps, ce sont des lieux qui sont réutilisés. Tu parles de palimpseste, de ces lieux, de fonctions latentes de ces lieux. Ben, sont réutilisés et tu dis sous Vichy, il y a une transformation de la logique d'exception qui prévalait dans la période précédente. en logique d'exclusion, c'est-à-dire qu'on systématise l'exclusion de certaines catégories de la population dans certains espaces définis. Est-ce que tu peux nous parler de comment se fait cette professionnalisation et puis concrètement, comment elle se manifeste, qui elle vise ? La professionnalisation, c'est le fait que quand on va créer un nouveau camp ou quand on va avoir une situation d'urgence présentée comme telle par le ministère de l'Intérieur ou par le gouvernement, peu importe, et qu'on va vouloir constituer un camp d'Espagnol par exemple, à Sepfon, dans le Tarn-et-Garonne, on s'aperçoit très vite que placer plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes dans un endroit qui n'est pas prévu pour l'accueil d'une population nombreuse, provoque des catastrophes. Le cas de Sangatte, il y a quelques années, le montre bien. La population vivant à Sangatte, à Blériot, dans les villages autour du centre d'hébergement, ont été pris d'une sorte de folie collective. Ils se crevaient les pneus les uns des autres, ils se cassaient les cabines téléphoniques, ils agressaient l'infirmière qui soignait les réfugiés, ils s'en prenaient aux boulangers qui vendaient du pain aux réfugiés. Il y a quelque chose d'un risque majeur qui n'est pas créé par la population, mais qui est créée par la réponse aux supposés troubles à l'ordre public créés par les autorités. Les autorités ont très peur de ça. Elles le savent, elles anticipent sur les risques causés par ce regroupement. Et la professionnalisation, elle vient de ça, et elle vient aussi du fait que, très vite, certains hommes s'aperçoivent que c'est pas forcément symboliquement facile à porter, le titre de directeur du camp de ceci ou directeur du camp de cela, mais ça n'a pas forcément que des inconvénients. Parce qu'on bénéficie d'une sorte de souveraineté quasi totale, une sorte de potentat locaux qui devient capable de décider d'à peu près tout, y compris de la vie et de la mort d'une certaine manière, dans le huis clos très, très clos du camp. Ça permet d'obtenir toute une série de prébendes, de facilités, et puis d'avoir une carrière. Beaucoup des gens que j'ai réussi à identifier comme directeur de camp sont, par exemple, après la période de la collaboration, recasés dans la police. Alors qu'il y a des textes explicites, le travail de Marc-Olivier Baruch le montre bien, il est interdit de réintégrer ces directeurs de camp dans la police, mais au bout de quelques semaines, on vient les chercher. C'est pareil pour ces individus qu'on retrouve dans la gestion de certains camps pendant la guerre d'Algérie. Et à qui on confie, pour certains d'entre eux, des tâches de guerre psychologique, du côté des services spéciaux, de la police politique, etc., et qu'on va retrouver ensuite, chez les petits comme chez les grands, chez les petits fonctionnaires ou les petits vacataires qui travaillent dans ces espaces, comme les responsables, qu'on va retrouver dans les métiers de gestion de l'immigration. De la traque aux clandestins, de la destruction des bidonvilles, de la surveillance des centres urbains comme Barbès ou Belleville, etc., qu'on va retrouver dans la reconquête urbaine, le 14e arrondissement par exemple, ou la manière dont les policiers qui ont participé à cette reconquête, qui était une conquête foncière, immobilière, mais qui était aussi une conquête en termes de sécurité locale, vont parler avec des termes de guerre urbaine. La professionnalisation, c'est ça. C'est une sorte de double mouvement qui fait qu'on va créer un savoir spécifique dans ces espaces d'internement et que ce savoir va ensuite se diffuser dans la police, mais pas seulement, les institutions du travail et de l'économie industrielle, les institutions sociales. À l'issue de cette période se développe ce que tu appelles le camp humanitaire, qui amène progressivement aux formes de camps qu'on connaît actuellement. Le camp humanitaire, c'est actuellement la forme dominante du camp. C'est cette forme-là que connaît l'opinion publique, par les médias. Un camp au Darfour, un camp au Guatemala, un camp au Pakistan, ce sont des camps humanitaires. Au Pakistan parce qu'il y a un tremblement de terre, au Guatemala parce qu'il y a un glissement de terrain, au Darfour parce qu'il y a une guerre civile, au moins présentée comme telle, qui fait que depuis les 20 dernières années, depuis le Biafra, depuis le Cambodge, depuis les grandes crises politiques dans les pays du Sud, le camp n'est plus seulement relié à la destruction des Juifs d'Europe, mais est aussi associé à la prise en charge de populations de très grande taille, 100 000, 200 000, 300 000 personnes, qui, pour des raisons variées, catastrophes environnementales, politiques, guerres civiles, etc., sont placés à un moment donné dans un extrême dénuement et où la manière de les gérer, essentiellement par des organisations internationales, le HCR, hein, donc c'est le gouvernement des camps, comme dit Michel Agier, hein, c'est le HCR, gère ces populations dans des villages géants, des villes géantes de toile, hein, de baraques plus ou moins constituées. Dans les dernières années, la forme du camp s'est rapprochée de l'Europe. On a vu des camps beaucoup moins humanitaires, beaucoup plus répressifs pendant la guerre civile en Algérie au début des années 90. Hein, et dans le désert, à peu près au même endroit où les autorités coloniales françaises parquaient les renégats, les rebelles, etc., les autorités algériennes, les autorités militaires algériennes ont parqué les islamistes ou prétendus tels dans les années 80-90. Dans les années 90 toujours, les camps sont réapparus sous la forme beaucoup plus répressive et ethnico-raciale en Yougoslavie. Mais la forme dominante, c'est vraiment le camp humanitaire. Et je pense que cette forme s'impose à la vision que l'on en a actuellement. Et les autorités, par exemple, lorsqu'elles présentent des centres de rétention, les zones d'attente, les centres de rétention, les présentent aussi comme des zones ayant des fonctions humanitaires. Et je parlais de Michel Agier, Michel Agier montre bien comment ces espaces humanitaires, ces gigantesques villes, sont aussi des espaces répressifs, avec des modes de contrôle, d'interdiction d'une démocratie locale. Le HCR, c'est pour les populations, et si les populations veulent reprendre le contrôle de leur vie, le HCR s'y oppose quelquefois durement, avec des méthodes de gestion qui dissolvent l'autorité, avec des ONG locales, avec une sorte de répartition du pouvoir qui est extrêmement opaque, sur lequel le HCR ne veut pas qu'on s'étende, parce que le HCR, c'est le gouvernement humanitaire par excellence, donc c'est la bonté faite institution. Le problème du camp humanitaire, c'est qu'il camoufle aussi la diffusion d'autres formes de camps, strictement répressifs, beaucoup moins visibles, et qui sont gérés sur les mêmes principes. Des principes finalement un peu comme un centre de rétention qui sont gérés sur des principes de l'hôtellerie de masse, de l'hôtellerie presque touristique. Tout est pris en charge, où les populations sont nécessairement prises en charge de la naissance à la mort presque. Mais ces camps beaucoup plus répressifs, ce sont par exemple les camps de guerre américains, Abu Ghraib, Cropper en Irak, les camps en Afghanistan, qui sont des lieux de masse, qui sont des lieux d'interrogatoire, où on brise les gens, où on les humilie, où on les dégrade violemment, où on les élimine, probablement. Et c'est cette technique de ce qu'on appelle l'extraordinary rendition, les transferts extraordinaires, que pratiquent clairement depuis plusieurs années différentes institutions militaro-sécuritaires américaines, NSA, CIA, l'armée américaine probablement, et qui sont, à n'en pas douter, une des formes émergentes du camp contemporain. C'est un camp qui se déplace, un camp qui est ici, puis qui est là, et qui est ailleurs, et qui change de forme, qui peut concerner un individu ou une grande quantité d'individus, qui n'apparaît pas visiblement dans l'espace, hein, qui n'est pas repérable. C'est le cas aussi des camps d'étrangers. La plupart d'entre nous passons sans le savoir plusieurs fois par jour, quelquefois, à côté de lieux de rétention qui sont sinon clandestins, puisqu'ils sont maintenant dans la loi, hein. Ils ont été longtemps dans des ordonnances, ils sont maintenant dans la loi, mais qui sont invisibles, inaccessibles matériellement, mais difficiles à reconnaître. Ce qui était auparavant les signes distinctifs du camp sont maintenant des signes qui ne sont plus du tout distinctifs, qui sont banalisés, mais aussi parce que le camp s'est fondu dans l'architecture. Hein, des bureaux d'études, des architectes travaillent pour faire sortir une vingtaine de centres de rétention dans les mois qui viennent, avec des standards qui sont des standards de n'importe quelle construction banalisée et qui n'apparaîtra pas comme un lieu de coercition et d'expulsion. C'est à mon avis, la tendance lourde du camp à l'heure actuelle, c'est que ce n'est qu'une des formes de la mise à l'écart des populations, ce n'est qu'un élément d'un dispositif beaucoup plus complexe. On peut y ajouter les grands murs, mais aussi toute une série de dispositifs de traque, de dispositifs de surveillance, d'identification, des dispositifs répulsifs aussi, hein, que l'on trouve pour ces populations étrangères ou prétendues telles, et aussi pour certaines catégories de populations perçues comme déviantes et potentiellement menaçantes. Maintenant, le camp est très difficile à identifier, il est difficile à repérer, il est il est furtif. Et tu dis aussi qu'il y a, cette, en ce moment, cette banalisation du camp, et qui se manifeste aussi à travers des projets d'externalisation. C'est effectivement une forme de sa banalisation et de sa difficulté à devenir une institution comme les autres. Le camp reste de toute façon une forme scandaleuse dans l'espace public, une forme de mise à l'écart des populations qui est difficilement acceptable dans ce que Popper appelle les sociétés ouvertes. C'est une contradiction flagrante avec le fonctionnement des sociétés ouvertes et c'est même une contradiction mortelle pour les sociétés dites ouvertes. Un des intérêts de l'externalisation, c'est de laisser vivante l'illusion que nous sommes toujours des sociétés ouvertes. Nous sommes certes des sociétés ouvertes pour certaines catégories de population, nous sommes des sociétés puissamment repliées sur elles-mêmes, puissamment closes, fort closes pour d'autres populations. Aux mêmes endroits, c'est une des formes de la dématérialisation dont je parlais tout à l'heure, si je vais faire une conférence à l'étranger et que je dispose d'un passeport biométrique, je ne verrai pas les frontières. Je vais traverser ces frontières sans m'apercevoir de leur existence. Si je suis une jeune Marocaine qui va demander à venir en Europe pour rejoindre sa famille et qui va demander un visa, alors là, au même endroit, cette jeune femme va rencontrer une multiplicité de formes de frontières qui vont se placer sur son chemin et qui vont l'empêcher, in fine, de se déplacer. Je parle d'une Marocaine, je ne parle pas de quelqu'un qui viendrait de Géorgie ou du Caucase. Quelle abomination! Là, le voyage ne peut pas se faire. Ou alors c'est un voyage qui s'apparente plus à une remise de soi, à des passeurs, ou à une sorte de nuit noire qui dure des mois et qui est extrêmement difficile. Et c'est un voyage extrême, on est quasiment plus dans la même catégorie. L'externalisation, c'est une politique qui a pour objectif de confier, comme on dit, externaliser des fonctions dans une entreprise banale, confier des fonctions qui sont coûteuses, pas simplement économiques, l'Europe va payer pour qu'elles soient faites, c'est pas simplement un problème économique, c'est un problème symbolique et politique essentiellement. L'Europe va payer pour que des pays frontaliers de ce que Balibar appelle la forteresse européenne s'occupent de traiter les candidats au voyage depuis leur territoire avant que ces populations rentrent dans l'espace politique censé être protégé de l'Union européenne. Ce sera vrai pour l'Ukraine, pour la Biélorussie, pour le Maroc, pour la Libye, etc. Et il est vrai que sous des pressions diverses, des pressions institutionnelles, économiques, stratégiques, diverses et variées, ces pays, le Maroc et la Libye, se sont convertis finalement assez vite à la lutte contre les migrants subsahéliens, ont modifié en profondeur le rapport à l'étranger dans leur société. Donc c'est une forme de délestage, de transfert de compétences à des pays qui sont à l'extérieur. Et l'externalisation, elle n'est pas seulement géographique, elle est aussi une prise en charge en fait, de fonctions autrefois régaliennes par des entreprises ou des associations. Et là, se mêle en fait, à la fois cette notion de camp humanitaire et d'externalisation de tâches professionnelles, quoi. Il y a effectivement les deux. Une partie de cette externalisation se fait de force. Il y a quelques semaines ce fait divers en Italie d'un procès fait à des pêcheurs tunisiens qui avaient prêté secours à des naufragés qui avaient tenté de traverser vers la Sicile. Ce qui est vrai pour ces pauvres pêcheurs tunisiens est vrai pour tous les patrons de navires susceptibles d'être identifiés comme ayant porter secours à des candidats au voyage et qui auraient facilité, et c'est comme ça que le texte de loi le dit, facilité l'entrée illégale sur le territoire. D'une certaine manière, ça c'est une forme d'externalisation. Ça pousse à soit ne pas porter secours à un naufragé, soit le jeter par-dessus bord si c'est un clandestin qui est surpris à bord. Donc c'est une forme d'externalisation. Les entreprises qui sont concernées, les entreprises de transport par exemple, sont durement sanctionnées financièrement avec des amendes lourdes, avec des condamnations. On a fait ça aux gestionnaires de foyers de travailleurs migrants il y a quelques années. On mettait la pression sur les gestionnaires de foyers quand des descentes de police constataient la présence d'illégaux, d'illégalisés dans les espaces du foyer. On mettait en examen les gestionnaires de foyers pour leur mettre la pression et pour les forcer d'une certaine manière à mener eux-mêmes la guerre aux illégaux. C'est la même chose et c'est à mon avis une des conséquences les plus graves dont on ne mesure pas l'influence pour la société européenne, c'est le fait que ce soit la même chose dans les hôpitaux, dans les écoles, chez les travailleurs sociaux. La manière dont on modifie les traditions de ces institutions en les obligeant à être intégrés un peu comme des supplétifs à une guerre à l'étranger qui se mène au quotidien avec des fausses convocations, des tracts, des dénonciations. Donc ça, c'est une première externalisation qui est une façon d'impliquer d'autres institutions dans cette guerre à l'autre qui est menée. Et la deuxième est une externalisation beaucoup plus vicieuse encore, c'est qu'un certain nombre d'associations sont comme enrôlées dans cette politique avec la dépendance aux subventions et aux financements qui sont liés à la gestion de cette politique. Beaucoup d'institutions humanitaires, des ONG, des associations en France se rendent compte maintenant, après avoir refusé certains de ces avis critiques. La DOMA, on peut critiquer la CIMAD, la Croix-Rouge, le HCR, mais je pense que certains de ces institutions s'aperçoivent que cet enrôlement est un enrôlement aussi économique, statutaire, administratif, qui fait que les personnels qui avaient des missions sociales se retrouvent à avoir des missions de police clandestine, d'une certaine manière, où on prépare les gens à l'expulsion dans les centres d'accueil de demandeurs d'asile, quand on sait qu'ils vont être déboutés, ou quand on apprend qu'ils sont déboutés, on a des tactiques, des stratégies pour arriver à pourrir la vie, pour dire les choses poliment, à ces gens pour qu'ils quittent le CADA et pour qu'ils se retrouvent dans cette sorte de no man's land qui mène au centre de rétention ou à la clandestinité, en passant par toute une série de cases dans lesquelles sont obligés de passer ces populations précarisées. Je pense que c'est ça le vrai souci, c'est que c'est une externalisation au sens presque de sociologie des organisations, mais qui a des conséquences philosophiques et politiques, à mon sens, dramatiques. Merci beaucoup, Marc Bernardo. Je t'en prie. L'Intempestif, c'est fini pour cette semaine. Vous retrouvez l'émission en rediffusion lundi de 11h à midi ou bien sur www.intempestif.net. Et à quoi vous a servi, monsieur Artaud, cette radiodiffusion ? À dénoncer un certain nombre de saletés sociales officiellement reconnu et recommandé.